Puis, il exigea de Mademoiselle Chuin des explications claires. Que voulait-elle pour son entremise? Elle se récria, elle ne voulait rien. Pourtant, elle finit par demander 20 000 francs sur l'apport que l'on constituerait au jeune homme. Et comme il ne marchandait pas, elle se montra expansive. « Écoutez, c'est moi qui ai songé à vous. La jeune personne n'a pas dit non lorsque je vous ai nommé. »« Oh, c'est une bonne affaire. Vous me remercierez plus tard. J'aurais pu trouver un homme titré. J'en connais un qui m'aurait baisé les mains. Mais j'ai préféré choisir en dehors du monde de cette pauvre enfant. Cela paraîtra plus romanesque. Puis, vous me plaisez. Vous êtes gentil, vous avez la tête solide. Oh, vous irez loin. Ne m'oubliez pas, je suis tout à vous. » Jusque-là, aucun nom n'avait été prononcé. Sur une interrogation de Nantas, la vieille fille se leva et dit en se présentant de nouveau. « Mademoiselle Chuin, je suis chez le baron d'Anvilliers depuis la mort de la baronne en qualité de gouvernante. C'est moi qui ai élevé Mademoiselle Flavie, la fille de monsieur le baron. Mademoiselle Flavie est la jeune personne en question. » Elle se retira après avoir discrètement déposé sur la table une enveloppe qui contenait un billet de 500 francs. C'était une avance faite par elle pour subvenir aux premiers frais. Quand il fut seul, Nantas alla se mettre à la fenêtre. La nuit était très noire. On ne distinguait plus que la masse des arbres à l'épaississement de l'ombre. Une fenêtre luisait sur la façade sombre de l'hôtel. Ainsi, c'était cette grande fille blonde qui marchait d'un pas de reine et qui ne daignait point l'apercevoir. Elle ou une autre, qu'importait d'ailleurs, la femme n'entrait pas dans le marché. Alors Nantas leva les yeux plus haut, sur Paris grondant dans les ténèbres, sur les quais, les rues, les carrefours de la rive gauche, éclairés par des flammes dansantes du gaz. Il tutoya Paris, il devint familier supérieur. « Maintenant, tu es à moi !»